S'il n'y a pas de problème pour se voir, alors je veux bien prendre un café demain pour que ce matin-là ne ressemble à aucun autre, que je t'entende enfin me confesser que tu t'es trompé, que tu as été lâche et bête, et enfin que je rentre soulagée, tirant un trait sur ce passé. S'il n'y a pas de problème pour se voir, alors je veux bien prendre un quart d'heure demain pour que cet instant-là ne ressemble à aucun autre, que je te vois enfin rougir de m'admirer tant, ton erreur m'a rendue plus belle et plus forte, et enfin que je rentre soulagée, tirant un trait sur ce passé. S'il n'y a pas de problème pour se voir, alors je veux bien prendre ta main demain pour que ce toucher-là ne ressemble à aucun autre, que je te sente enfin trembler de tout ton corps, tant les souvenirs se fâchent, tant mon regard te perce, tant mon souffle t'enivre comme un vin de valeur qui serait bien trop cher pour n'en boire qu'une goutte. Et enfin, que je rentre soulagée, tirant un trait sur ce passé. S'il n'y a pas de problème pour se voir, c'est tant mieux. Mais demain, je ne viendrai pas.